Écoute tes pousses la rengaine du petit poulbeau qui court après le cœur d'Hélène. Moi je trouve ça beau. Pour rapprocher le cœur d'Hélène, le petit poulbeau, le déclameur et du Verlaine, ou du Rimbaud, il a mis son écharpe en laine à son cou beau, que lui a donné sa marraine, le petit poulbeau. À l'ours sous les bords de la Seine, au bord de l'eau, il a aperçu sa souveraine, le petit poulbeau. Lui qui la chercha toute la semaine, même dans le métro, l'invite au bras d'un capitaine, pauvre poulbeau. Mon petit poulbeau, t'as de la peine, t'as le cœur gros, comme elle te paraît lointaine, tu te trouves pas beau. Napoléon à Saint-Aigne, à Waterloo, tu découvres la morne plaine de tes sanglots. Comme Jean Valjean tirant ses chaînes, le petit poulbeau. Comme Jonas au fond de la baleine, le petit poulbeau. Il court à perdre haleine, le petit poulbeau. Il va se rendre à la taverne pour boire des pots. Ne pleure pas comme une madeleine, mon petit poulbeau. Tu trouveras une sirène, une poule d'eau, et vous chanterez des redondaines autour d'un pont, et vous referez la rengaine du petit poulbeau.